Quatrième partie. Chapitre 3. La confirmation. Qu'est-ce que la confirmation? La confirmation est un sacrement qui nous donne le Saint-Esprit, imprime dans notre âme le caractère de soldat du Christ et nous rend parfaits chrétiens. Comment le sacrement de confirmation nous rend-il parfaits chrétiens? La confirmation nous rend parfaits chrétiens parce qu'elle nous confirme dans la foi et perfectionne les autres vertus et les dons que nous avons reçus dans le Saint-Baptême. Et c'est de là que lui vient son nom de confirmation. Quels sont les dons du Saint-Esprit qu'on reçoit dans la confirmation? Les dons du Saint-Esprit qu'on reçoit dans la confirmation sont les sept suivants. La sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la science, la piété et la crainte de Dieu. Quelle est la matière de ce sacrement? La matière de ce sacrement, outre l'imposition des mains de l'évêque, est l'onction faite sur le front du baptisé avec le saint crème. C'est pour cela qu'on l'appelle aussi onction. Qu'est-ce que le saint crème? Le saint crème est de l'huile d'olive mêlée avec du baume et consacrée par l'évêque le jeudi saint. Que signifient l'huile et le baume dans ce sacrement? Dans ce sacrement, l'huile qui s'étend et fortifie signifie l'abondance de la grâce qui se répand dans l'âme du chrétien pour le confirmer dans la foi. Et le baume, qui est odorant et préserve de la corruption, signifie que le chrétien, fortifié par cette grâce, est capable de répandre la bonne odeur des vertus chrétiennes et de se préserver de la corruption des vices. Quelle est la forme du sacrement de confirmation? La forme du sacrement de confirmation est celle-ci. Je te signe du signe de la croix et te confirme avec le crème du salut, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Quel est le ministre du sacrement de confirmation? Le ministre ordinaire du sacrement de confirmation est l'évêque seul. Avec quelle cérémonie l'évêque administre-t-il la confirmation? L'évêque, pour administrer le sacrement de confirmation, étend d'abord les mains sur les confirmants en invoquant sur eux le Saint-Esprit. Puis il fait une onction en forme de croix avec le saint crème sur le front de chacun en disant les paroles de la forme. Ensuite, de la main droite, il donne un léger soufflet sur la joue du confirmé en lui disant « La paix soit avec toi ». Enfin, il bénit solennellement tous les confirmés. Pourquoi l'onction est-elle faite sur le front? L'onction est faite sur le front où apparaissent les signes de la crainte et de la honte, afin que le confirmé comprenne qu'il ne doit pas rougir du nom et de la profession de chrétien, ni avoir peur des ennemis de la foi. Pourquoi l'évêque donne-t-il un léger soufflet au confirmé? L'évêque donne un léger soufflet au confirmé pour qu'il sache qu'il doit être prêt à souffrir toutes sortes d'affronts et de peines pour la foi de Jésus-Christ. Tout le monde doit-il faire en sorte de recevoir le sacrement de confirmation? Oui, chacun doit faire en sorte de recevoir le sacrement de confirmation et de le faire recevoir à ceux qui dépendent de lui. À quel âge est-il bon de recevoir le sacrement de confirmation? L'âge où il est bon de recevoir le sacrement de confirmation est celui de 7 ans environ, parce qu'alors commencent habituellement les tentations et qu'on peut connaître suffisamment la grâce de ce sacrement et se rappeler qu'on l'a reçu. Quelle disposition faut-il pour recevoir le sacrement de confirmation ? Pour recevoir dignement le sacrement de confirmation, il faut être en état de grâce, savoir les principaux mystères de notre sainte foi et s'en approcher avec respect et dévotion. Celui qui recevrait la confirmation une seconde fois, pécherait-il ? Il commettrait un sacrilège, parce que la confirmation est un de ces sacrements qui impriment un caractère dans l'âme et que par suite, on ne peut recevoir qu'une fois. Que doit faire le chrétien pour conserver la grâce de la confirmation ? Pour conserver la grâce de la confirmation, le chrétien doit prier souvent, faire de bonnes œuvres et vivre selon la loi de Jésus-Christ sans respect humain. Pourquoi y a-t-il aussi des parrains et des marraines dans la confirmation ? Afin que, par leurs paroles et leurs exemples, ils guident le confirmé dans la voie du salut et qu'ils le soutiennent dans le combat spirituel. Quelles conditions sont requises dans le parrain ? Le parrain doit être d'âge convenable, catholique, confirmé, instruit des choses les plus nécessaires de la religion et de bonnes mœurs. Le parrain de la confirmation ne contracte-t-il aucune parenté avec le confirmé et ses parents ? Le parrain de la confirmation contracte la même parenté spirituelle que celui du baptême.